10A. Aude Scott. Oui, un moment, je cherche son dossier. Le voilà. C'est une personne sérieuse et responsable. Ah oui, c'est la candidate qui fait l'école normale pour être institutrice. Oui, et elle aime les enfants de toute évidence, car elle a aussi le BAFA et de l'expérience comme monitrice de colonies de vacances. En plus, c'est quelqu'un de travailleur. Elle travaille les week-ends comme vendeuse. Et ses centres d'intérêt? Alors, elle fait du hip-hop et du théâtre amateur. Qu'est-ce que je mets sur sa fiche? Travailleuse, sérieuse et responsable. OK. Bastien Leblond? Bastien Leblond... Alors, oui, il a fait une bonne école hôtelière, mais il n'a aucune expérience professionnelle dans la restauration. Aucune expérience professionnelle? Non. Par contre, il a gagné un concours de dégustation de vin l'année dernière. Ah, intéressant. Je note, a gagné un concours de dégustation de vin. Et du côté de la personnalité? C'est quelqu'un d'ouvert, très aimable, très agréable, mais qui est un petit peu distrait. Ah, donc je note, ouvert, aimable et distrait. Tu as le dossier de Laurence Hernandez? Oui. Alors, elle a fait des études littéraires. Elle parle bien 3 langues. Et elle a quelques notions d'allemand. Elle a de l'expérience professionnelle? Oui, elle connaît bien son métier. Elle a travaillé 6 ans comme monitrice dans des colonies de vacances et 2 ans dans la restauration. Elle a un hobby particulier? Des centres d'intérêt? Oui, elle joue de la flûte et elle est passionnée de photographie. Que donnent les résultats des tests psychotechniques? C'est une personne très sociable, patiente et qui a le sens du contact. OK, je note. Très sociable, patiente, sens du contact. Et Renaud Petit? Renaud Petit, oui, joli. Il est en 2e année des Beaux-Arts à Paris. Il parle bien l'anglais et l'allemand et il a des notions d'espagnol. Mais il n'a aucune expérience professionnelle. Quel âge il a? 20 ans. Sa personnalité? Très sociable, ouvert, dynamique et curieux de tout. OK, je note. Très sociable, ouvert, dynamique, s'intéresse à tout. Et ses hobbies? Il fait du théâtre amateur et joue de la guitare électrique. Théâtre amateur, guitare électrique.